Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grève générale de Winnipeg de 1919. Ces hommes-là qui se sont sacrifiés, qui ont fait du pénitencier, sont les héros. Merci à eux si aujourd'hui nous pouvons nous organiser et avoir une permission de dire à un employeur une bonne journée, nous voulons avoir tant, puis nous voulons que tu réduis ton profit afin que nous qui travaillons pour vous en ayons une partie. C'est en 1919, en pleine grève générale à Winnipeg, que Ben Cyr, qu'on vient d'entendre, rentre au pays après avoir servi sur le front comme soldat canadien durant la Première Guerre mondiale. Pour lui, vous l'avez entendu dans cet extrait de l'émission Format 60, diffusée en 1969, la grève de Winnipeg a été déterminante dans l'obtention du droit à la négociation par le mouvement syndical canadien. La grève de Winnipeg a en effet été en quelque sorte le premier pas vers ce gain important. Extrait de la comédie musicale Strike du compositeur manitobain Danny Scher, un spectacle qui a été créé en 2005 pour nous parler de cette grève générale de Winnipeg de 1919, cette grève qui a inspiré cette comédie musicale dont on vient d'entendre un extrait, Strike, pour nous parler aussi de l'importance de cette grève de 1919. Je reçois Harold Bérubé, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. C'est pas rien quand même, une comédie musicale créée au Manitoba en 2005 qui s'appelle Strike. Ça nous dit quoi sur Harold Bérubé, sur la place qu'occupe aujourd'hui encore ce conflit de 1919 dans la tête des Manitobains? Écoutez, ça nous parle de son importance, évidemment centrale dans la mémoire. C'est une grève qui va fêter son centenaire quand même l'année prochaine. C'est une grève qui, au-delà justement des événements un peu factuels dont on va parler aujourd'hui, est entrée justement un peu dans le mythe, je pense, de l'histoire du Manitoba, de la cause ouvrière syndicale. La meilleure comparaison peut-être qu'on pourrait faire, c'est la grève d'asbestos en 1949 au Québec, qui a été comme ça très étroitement associée au début de la Révolution tranquille. Et pour les Manitobains, ça fait partie de... C'est une des dates importantes dans leur histoire. C'est un jalon dans les gains qui sont faits sur le plan syndical. Même si la grève en tant que telle, comme on va le voir, les gains immédiats ne sont pas évidents. Ouais. Mais avec le recul, on va lui accorder une grande importance parce que c'est un conflit ouvrier d'une ampleur qu'on n'en avait jamais vu au Canada et comme on n'en reverra pas vraiment en termes vraiment de l'ampleur globale du conflit. De quelle manière, donc, c'est important dans l'histoire du Canada? On sort du Manitoba, puis dans l'histoire du mouvement ouvrier. Pourquoi c'est un jalon important? Par l'ampleur, c'est une grève générale, c'est une ville paralysée complètement pendant plus d'un mois. C'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Comme on va le voir, c'est une grève qui attire la sympathie d'autres ouvriers à travers le pays. Il y a une sorte du point de vue du gouvernement central, il y a presque une menace de déstabilisation comme à Vancouver, à Calgary, à Toronto. On se met en grève en sympathie. Donc, il y a une ampleur très vaste. Ça dépasse Winnipeg en tant que tel. Et évidemment, les demandes qui sont faites à ce moment-là sont des demandes fondamentales du mouvement ouvrier. Donc, tout ça fait qu'elle a une importance centrale, non seulement au Manitoba, mais pour l'histoire ouvrière canadienne. Un peu moins connue, vous me corrigerez, mais je vous écoutais d'ailleurs énumérer certaines villes. On est au Canada anglais. Moins connue au Québec, non? Oui, beaucoup moins connue au Québec, du côté québécois. Il faut dire qu'il va y avoir des efforts qui sont faits pour organiser des grèves de sympathie à Montréal, mais elles sont étouffées par une église catholique assez active, par des autorités justement qui ont une attitude antisyndicale qui est assez proche de celle des autorités de Winnipeg, il faut le dire. Mais on ne voit pas le même mouvement de sympathie là, du côté côté québécois. Dans quel contexte elle éclate, cette fameuse grève de 1919? Qu'est-ce qui conduit, au fond, à la grève? On écoute à nouveau le vétéran Ben Cyr répondre aux questions de Denise Bombardier à l'émission Format 60 en 1969. Monsieur Cyr, comment expliquer qu'au mois de mai 1919, après que les grévistes soient mis en grève, il y a tellement de travailleurs qui aient débrayé et qui les aient appuyés? Bien, c'était une cause qui était terriblement sérieuse pour les ouvriers. D'abord, il ne faut pas oublier que durant la guerre, les travailleurs étaient demandés de ne pas demander d'augmentation de salaire. Durant que nous étions dans les tranchées, à 1 pièce 10 par jour. Et pendant 4 ans, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire, pour dire très peu. En fin de compte, en 1919, le coût de la vie avait monté de 80%. Et les employés qui travaillaient pour les compagnies, leur salaire avait monté de 18%. Ça faisait une différence. Ceux qui revenaient d'outre-mer étaient terriblement surpris de voir la condition de vie de ceux qui avaient resté ici durant qu'ils étaient partis. Alors, il y a cet appauvrissement, on l'entend bien, Harold Bérubé, l'appauvrissement des travailleurs pendant la guerre, mais il y a d'autres facteurs qui se rajoutent à ça et qui expliquent que cette grève aura lieu en 1919. Quels sont ces facteurs-là? Parce qu'on peut dire que, globalement, l'après-première guerre mondiale est un peu cauchemardesque au Canada comparé à d'autres pays. Ça s'explique par un certain nombre de facteurs. M. Cyr a bien couvert la question de l'inflation, qui est importante. Ça mène à beaucoup de conflits de travail dans les dernières années de la guerre. Les ouvriers, justement, réalisent bien que leurs maigres augmentations de salaire ne compensent pas pour le coût de la vie. Et donc, on multiplie les conflits de travail et ça va forcer le gouvernement fédéral, d'ailleurs, à les interdire vers la toute fin de la guerre. Donc, la tension augmente de manière considérable. S'ajoutent à ça 2 autres facteurs importants. Le gouvernement canadien s'implique très peu dans la conversion de l'économie de guerre à l'économie de paix. On est encore dans un contexte de la main visible du marché va s'occuper de tout ça. Ouais. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Donc, la conversion se fait difficilement, lentement. Ça mène à des mises à pied. Il y a les vétérans qui reviennent donc au même moment, ce qui augmente le chômage tout autant. Donc, il y a vraiment un moment de tension majeure là, en 18 et 21. Ajouter à cela peut-être un autre facteur international. Évidemment, il y a la révolution bolchevique. Donc, on est en 19. La révolution bolchevique est plutôt jeune. On est encore en situation plus ou moins de guerre civile, d'instabilité. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose en Russie à ce moment-là. On ne comprend pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants du conflit, mais autant du côté ouvrier, on voit qu'il y a d'autres manières de négocier avec l'État, d'organiser la société. Et évidemment, du côté des autorités, du patronat, on réalise qu'il y a ce danger qui couvre si on laisse aller justement la cause ouvrière trop loin. Parce qu'il y a en Europe surtout, évidemment, après cette révolution russe, après la Première Guerre mondiale, il y a comme une sympathie communiste dans différents pays. Puis il y a une peur, donc, en contrepartie en Europe. Mais ici aussi, au Canada, aux États-Unis, absolument, il y aura cette peur du communisme. Ça sera important, d'ailleurs, on y reviendra dans l'argumentaire des anti-grèves, cette espèce de menace révolutionnaire qui pèserait contre Winnipeg et le Canada. Mais un mot sur Winnipeg, justement, avant d'aller plus loin. Pourquoi à Winnipeg? Qu'est-ce qui explique que c'est à Winnipeg qu'a lieu cette grève? Oui, c'est une excellente question. Pourquoi Winnipeg, en effet? Donc, rapidement, peut-être planter le décor. Et donc, Winnipeg s'est imposé à la fin du 19e siècle, un peu comme porte d'entrée de l'ouest du pays. Donc, ça a beaucoup contribué au développement économique de la ville, évidemment par sa position dans le réseau ferroviaire. Évidemment, ça lui permet d'obtenir un peu un secteur industriel assez florissant au début du 20e siècle. Donc, à ce niveau-là, la ville se développe quand même assez bien. En 21, elle approche de 200 000 habitants, ce qui est quand même considérable pour une ville de l'ouest du pays. C'est une ville très multiculturelle pour l'époque. Au même moment, Toronto est une des villes les plus homogènes à ce niveau-là, alors qu'au contraire, à Winnipeg, on a une majorité d'immigrants, beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Britanniques. Également, et qui amène une culture, donc, c'est important. Oui, une culture vraie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs des leaders syndicaux qu'on va voir tout à l'heure sont des Britanniques ou des gens d'Europe de l'Est qui arrivent, mais surtout les Britanniques, donc avec des idées socialistes qui sont un peu en rupture avec la culture syndicale locale à ce moment-là. Il faut ajouter, donc, aussi, on a des autorités, un patronat à Winnipeg qui est particulièrement dur, qui est particulièrement intransigeant avec le monde ouvrier, ce qui va faire que, de manière un peu ironique, ça crée des situations assez tendues, avec des positions bien arrêtées. Et ça va faire de Winnipeg une des villes les plus syndicalisées donc au Canada à ce moment-là. Et comme le patronat tient la ligne dure, les syndicats ont beau jeu de dire, écoutez, il faut s'organiser si on veut. Donc, tout est là pour que ça saute, entre guillemets. Quelle est, justement, la bougie d'allumage de cette grève de 1919? Quels sont les éléments là, qui mèneront au déclenchement de la grève? Oui, donc, quand je vous parlais de ces conflits de travail qui ont lieu à la fin de la Première Guerre mondiale, donc il y en a plusieurs qui sont à Winnipeg. Je vous donne un exemple comme ça pour vous montrer un peu comment le climat cinéma se déroule. Donc, en avril-mai 1918, la ville de Winnipeg va enlever à ses travailleurs le droit de grève. Et ça va mener, justement, donc, évidemment, une réaction assez rapide des syndicats. Et là, on va utiliser une nouvelle stratégie parce que jusqu'à ce moment-là, on allait de défaite en défaite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Les employés de la ville vont demander l'aide des autres syndicats. Et donc, plusieurs secteurs de la ville, du côté industriel, du côté public, les différents gouvernements, se mettent en grève simultanément. Et on commence à menacer. On utilise la grève générale comme menace pour la première fois. Et là, tout de suite, sous l'intervention notamment du fédéral, qui veut surtout pas de troubles à la fin de la guerre, la ville va reculer et redonner le droit de grève. Donc, chez les syndiqués, on comprend que la surenchère est une stratégie qui paye. Il faut dire aussi, au même moment, au sein du mouvement syndical dans l'Ouest, il y a beaucoup donc d'éléments radicaux, notamment ces Britanniques dont on parlait. Ces gens-là veulent faire sécession par rapport au mouvement pancanadien qu'on trouve trop modéré. Et on va se tourner notamment vers une idée qui est l'idée d'une One Big Union, un gros syndicat. Et qu'est-ce que c'est en gros? C'est l'idée de créer une grande centrale syndicale industrielle qui aurait le poids politique nécessaire pour opérer des changements fondamentaux dans la structure politico-économique. On n'est pas tout à fait dans le bolchevisme ou quelque chose comme ça, mais on n'en est pas loin. L'idée est vraiment d'opérer des changements fondamentaux dans la structure économique. Et c'est une idée qui gagne en popularité durant cette période. Donc, ça vient ajouter un peu des munitions aux plus radicaux au sein du mouvement ouvrier. Donc, c'est un peu les éléments, disons, de contexte généraux qui vont nourrir donc cette idée qu'il faut aller plus loin, il faut se radicaliser. La chose importante à retenir à ce niveau-là, c'est comment c'est perçu de la part des leaders et de la part des travailleurs. Et pour les leaders radicaux, tout ça, ça met en place justement un climat révolutionnaire. On salue Moscou, on pense vraiment aller dans une direction très révolutionnaire. Du côté des ouvriers, c'est pas comme ça qu'on voit les choses du tout. On a des demandes beaucoup plus raisonnables, modérées. On veut qu'on reconnaisse le droit de négociation collective, des heures de travail plus courtes, un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail. Les demandes sont assez modérées, pragmatiques. Mais ce qu'on voit de ce côté-là, ce sont des manières plus dures de négocier. C'est un plus gros bâton, si vous voulez, pour aller devant les gouvernements. C'est comme ça qu'on conçoit le One Big Union. C'est tout simplement une manière de négocier qui donne un meilleur rapport de force. L'idée n'est pas, évidemment, d'instaurer le socialisme à un seul pays au Canada. Et puis après, donc, cette idée où le One Big Union se précise, c'est au printemps 1919, c'est à Calgary que ça se passe. Il y a des grèves sectorielles. Ça commence par une grève dans le secteur de la construction et de la métallurgie. Oui, tout à fait. Donc, ce sont deux secteurs, spécialement la métallurgie. Il y a trois grandes entreprises qu'on appelle les Big Three à Winnipeg qui ont des patrons extrêmement intransigeants avec le milieu syndical. Donc, à la fin d'avril, ces deux domaines-là donc, sont en négociation. Les négociations se déroulent très mal. Et donc, au tout début de mai, là, le 2 et le 3, les métallurgistes, les gens de la construction se mettent en grève. Ouais. Et là, à ce moment-là, à Winnipeg, il y a ce qu'on appelle le Labour Temple. C'est un grand édifice public, pas public, mais en fait, qui est consacré donc, aux différents syndicats de la ville où on peut se réunir par milliers, entendre des orateurs. Et là, dans les jours qui suivent le début de la grève, les discours enflammés vont succéder de ce côté-là, nourris par ce radicalisme-là, et vont peu à peu, de manière très graduelle, mener vers l'idée que, écoutez, dans les circonstances, il faut finalement employer la grève générale dont on parle, qu'on utilise comme menace depuis un certain temps. Il faut passer à l'action. Et là, il y a consultation des travailleurs, et ils sont à peu près 12 000 donc, à exprimer leur vote. Ils sont 11 000, une majorité assez écrasante, à être en faveur donc, de la grève générale comme manière de faire plier donc, le secteur, les patrons de la métallurgie et du secteur de la construction. Ça, c'est le 15 mai 1919 que ce vote est pris. Et puis c'est dans les jours qui précèdent. La grève est déterminée. Donc, pour le 15 mai à 11 heures que tout ça doit commencer. Donc, début de la grève le 15 mai, puis ce sera très, très suivi. Mm-hmm. Il y aura plus que ces 12 000 travailleurs. Ah oui, tout à fait, Il y a plus de 20 000 travailleurs, du public, du privé. Oui, même des gens qui ne sont pas syndiqués. Ils sont plusieurs milliers de non-syndiqués à, par solidarité, suivre le mouvement. Oui. Évidemment, ça va avoir, on imagine bien, un impact énorme, une grève générale comme celle-là, dans une ville comme Winnipeg. Winnipeg est, au fond, pratiquement paralysée au début de la grève. On écoute à ce sujet-là les témoignages de l'avocat Hugh Phillips et du pompier volontaire F.W. Crawford, extrait d'un reportage de Joanne Fauché, diffusé à l'émission Le Point en 1994. The police had gone on strike, all except the senior members. La police, les pompiers et les chauffeurs d'autobus étaient en grève. Selon mes souvenirs, il n'y avait pas d'ascenseur. Pas de livraison de lait et de glace non plus. Ça faisait 2 ans qu'il y avait beaucoup d'agitation dans la communauté parce que les salaires n'étaient pas indexés au coût de la vie. L'inflation était en hausse, tout comme aujourd'hui. Alors, l'impact de la grève, on le voit bien, il est très, très grand là, à Winnipeg au moment où cette grève générale est déclenchée, Harold Bérubé. Oui, alors c'est ça, il faut imaginer, les témoins l'ont bien dit, la ville est paralysée, donc plus de transport en commun, plus d'ascenseurs, plus de distribution de nourriture, les commerces sont fermés, les entreprises, les gouvernements tournent au ralenti. Donc, la ville entière est paralysée, ouais. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu donc, par le passé. Donc, l'impact est majeur et pose des problèmes. Assez rapidement, les grévistes se dotent d'une instance, un Central Strike Committee, un comité, donc, de la grève. Il faut le dire, il y a 94 syndicats sur 96 qui sont impliqués dans le mouvement. Donc, on se donne une sorte d'entité pour coordonner tout ça. Et rapidement, ce comité-là se retrouve dans une position bizarre. Ils ont déclenché la grève générale, mais ils se retrouvent à devoir administrer la ville parce qu'il faut distribuer de la nourriture, il faut pas que les gens meurent de faim. Donc, on va finir par autoriser un certain nombre de services pour des raisons humanitaires. Ouais. Et les grévistes se retrouvent pratiquement à avoir une sorte de gouvernement parallèle dans la ville. Il y a un mouvement d'opposition, évidemment, à cette grève qui va aussi s'organiser très, très rapidement. Qui fait partie de ce mouvement anti-grève? Oui. Alors, face à eux, qui ont-ils? Ils ont trois gouvernements, évidemment, le fédéral, le provincial et le municipal, qui sont tous, évidemment, des adversaires à différents degrés des grévistes. Mais il faut ajouter un autre acteur important, c'est le Citizens Committee of 1000, le comité citoyen des 1000. Qu'est-ce que c'est que cette bébelle-là? C'est une association patronale, essentiellement. C'est les grands patrons, les membres de l'élite économique et politique de la ville, qui se sont réunis comme ça dans un comité. Et alors que les autorités gouvernementales font preuve d'un certain sang-froid, spécialement le général qui est en charge de la milice locale, le général Ketchen, qui est quelqu'un qui va s'efforcer de ne pas jeter d'essence sur le feu. Au contraire, le Citizens Committee est déchaîné. C'est lui qui va beaucoup nourrir un peu l'hystérie autour de la grève. C'est lui qui nourrit l'idée. Je les cite très rapidement. On parle dans leur journal de « A deliberate criminal and fantastic attempt to make a revolution ». Donc, c'est eux qui nourrissent vraiment l'idée que la grève est un mouvement révolutionnaire. Téléguidé par les bolcheviks. Exactement, les agitateurs étrangers. Et qu'est-ce qu'on fait avec les Britanniques? Bon, on explique que ce sont des traîtres à leur race. Donc, il y a des étrangers, les Ukrainiens et les Britanniques aussi. Donc, certains d'entre eux le sont. Dans quelle mesure il y a quelque chose de fondé là-dedans ou pas? Bien, écoutez, c'est compliqué. En gros, c'est très peu fondé. Ouais. Il n'y a pas vraiment de menace bolchevique. Il y a un petit nombre de leaders radicaux au sein du mouvement ouvrier qui, effectivement, pensent à des changements plus importants. Les négociations autour du One Big Union se poursuivent parallèlement à la grève et sont même nourries par le mouvement. Mais la grande majorité des ouvriers, la grande majorité des leaders syndicaux ont ces fameuses demandes modérées, hein, amélioration des conditions de travail, des salaires. On veut être sûr que les grévistes vont être réembauchés à la fin de la grève. Ouais. Et on veut le fameux droit de négocier collectivement avec l'employeur. Mais ça va jouer dur entre ces deux groupes qui vont s'opposer dans la rue, littéralement. Comment se vit cette grève au jour le jour? À nouveau, je vous propose d'écouter un extrait du reportage de Joanne Fauché, diffusé au Point en 1994. Vous allez d'abord y entendre l'anthropologue Marie Lamontagne qui parle de la police spéciale qui sera créée par les anti-grèves pour affronter les grévistes. Mais il faut dire quand même, à leur décharge, entre guillemets, que la police, une bonne partie de la police, de la vraie police, est en grève. Les pro-grévistes faisaient des démonstrations dans les rues presque tous les jours, mais ils se faisaient presque attaquer par la police qu'on appelait les specials. Parce que tu sais qu'ils ont, débarqué la police, ils ont tout engagé des hommes qu'on appelait des specials, qui étaient la police spéciale. Okay? Puis c'était vraiment les fils des millionnaires. Mais cette police n'arrive pas à contrer les grévistes qui manifestent presque tous les jours. Après 6 semaines de grève, la tension monte d'un cran. Le maire proclame la loi des mesures de guerre. Le fédéral envoie l'armée et ordonne l'emprisonnement des leaders. Le 21 juin, les grévistes manifestent en silence leur opposition à ces emprisonnements. Le maire ordonne de réprimer les grévistes avec force. William Zubatyuk a 99 ans. Il se souvient très bien de cette journée-là qu'on appellera ensuite le samedi sanglant. J'ai vu des gens partout dans la rue. La police est arrivée, armée de bâtons, en criant « Ôtez-vous du chemin! Ôtez-vous du chemin! » Alors, qu'est-ce qui se passe, Harold Bérubé, ce fameux samedi sanglant? Oui, bien, il faut revenir un peu en arrière, nuancer quelques-uns des propos là, de notre anthropologue. Durant les premières semaines de la grève, les grévistes ne veulent pas de manifestations dans les rues, justement pour éviter ce genre de débordement. On a peur d'un affrontement avec les autorités qui dégénérerait et qui discréditerait le mouvement. Ce qui va faire la différence, c'est qu'à la toute fin de mai, les vétérans se mêlent du conflit. Donc, les associations de vétérans se réunissent, tiennent à leur tour une consultation et de très peu vont choisir d'appuyer la grève. Donc, il y a une partie des vétérans qui décident d'aller manifester dans les rues bruyamment en faveur de la grève, malgré le fait que le comité central ne veut surtout pas ce genre de choses-là. Ouais. Donc, écoutez, ils marchent sur l'Assemblée provinciale, ils marchent sur l'Hôtel de Ville, jour après jour, comme ça, demandant à ce que les demandes des grévistes soient satisfaites. Et là, les vétérans anti-grève, qui sont quand même assez nombreux aussi, ben, eux vont commencer à organiser leur contre-marche. Ouais. On évite de peu à plusieurs reprises donc des affrontements entre les deux groupes. Et là, on en arrive à la question justement de la police. La police est restée, continue à travailler jusqu'à ce moment-là, à la demande des grévistes, pour éviter justement que les choses dégénèrent. Et c'est le 9 juin que la ville, soupçonnant avec raison que les policiers sont plutôt sympathiques aux grévistes, on leur impose un serment d'obéissance, si vous voulez, et la plupart décident de ne pas le prendre et de quitter. Entre-temps, comme on l'expliquait, donc les constables spéciaux sont formés, et ce sont effectivement certains fils de membres du patronat, etc., mais ce sont aussi beaucoup des vétérans anti-grève qui se retrouvent là. C'est intéressant. Les vétérans sont vraiment très présents dans cette grève, mais des deux absolument. Côtés. Absolument. Oui, tout à fait. Et c'est eux qui mènent à une sorte d'accélération ou d'escalade. Donc, les fameux constables spéciaux sont des vétérans qui sont armés un peu rapidement, pas vraiment formés. Et écoutez, c'est fascinant. Dès le lendemain de leur entrée en fonction, il y a les premiers incidents. Jusqu'à ce moment-là, tout était plutôt pacifique. Ouais. Et là, qu'est-ce qui va arriver? En gros, je vous donne l'exemple, ça vous montre un peu qu'est-ce qui arrive. Il y a un de ces spéciaux est sur son cheval, voit quelques grévistes rassemblés, il décide de les charger. Les grévistes, évidemment, se saisissent de notre bonhomme, l'arrachent à son cheval et le tabassent. Et à partir de là, les incidents se multiplient là, de manière assez rapide. Jusqu'au fameux samedi sanglant, où il y aura des blessés, un ou deux morts. Les chiffres varient, là, selon les sources que j'ai consultées. Et puis ça va être déterminant. C'est la fin, au fond. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe justement cette journée-là? C'est la question des tramways. Le fait que le transport en commun était interrompu était vu comme un puissant symbole de l'influence des syndicats. Et quelque part, à la mi-juin, on décide de recommencer le service des tramways. Le patronat continue à essayer de remettre en opération différents services. Et là, les tramways sont vraiment en état et les vétérans n'aiment pas ça. C'est le symbole, si vous voulez, de la lente défaite, si vous voulez, du mouvement ouvrier. Donc, le 21, qu'est-ce qui arrive? On s'attaque aux voitures de tramway, on les démolit, on les saccage, etc. Et là, le gouvernement voit ça comme un signal donc, pour passer à l'action, si vous voulez. Et là, le fameux général Ketchum réunit ses troupes régulières et ses specials. Et là, on va charger la foule. Et il y a escalade. D'abord, des charges contre la foule. Ensuite, on se lance des projectiles. Et finalement, les troupes ouvrent le feu. Et effectivement, on estime une trentaine de blessés, un ou deux morts, 80 arrestations. Il faut dire qu'avant ça également, parler de l'arrestation des leaders. Ouais. Donc, avant qu'on en arrive au samedi sanglant, le gouvernement fédéral commence à s'impatienter et a pris des mesures pour décapiter le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On amende la loi sur l'immigration dans un temps record. Écoutez, en 45 minutes, trois lectures en chambre, approbation par le Sénat, par le gouverneur général, d'une loi qui permet de déporter les étrangers qui sont soupçonnés d'être des agitateurs. Leaders, oui, exactement. Et le 11, donc, on les arrête. En fait, le 12 en matinée, on les arrête en Syrie. Et puis après ce fameux samedi sanglant du 21 juin, c'est en fait le mouvement s'essouffle, tout le monde rentre au travail. Bouclons la boucle, revenons au tout début de l'émission, Harold Bérubé, l'impact... À court terme, il n'y en a pas. Là. Il n'y a pas de gain pour les travailleurs. Mais de quelle manière cette grève-là est un progrès ou le premier pas qui mènera vers des progrès ou pas? Le bilan est très mitigé. Dans l'immédiat, c'est un échec presque complet. Le seul gain des grévistes est d'obtenir une commission royale d'enquête sur les événements, qui va d'ailleurs donner raison aux ouvriers. Ça, il faut le souligner, c'est un gain symbolique. Mais autrement, il n'y a pas de gain important. Il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour la connaissance du droit de négociation collective. Le mouvement ouvrier à Winnipeg va prendre des années à se reconstruire. Et c'est pour ça que la grève en soi n'a pas un impact si grand. C'est plus en termes mémoriels. On revient à notre comédie musicale. L'événement en tant que tel va être réinterprété au fil des années comme un premier grand affrontement titanesque entre le patronat et les syndicats et qui va mener donc à des gains subséquents. Donc le lien est loin d'être direct, mais l'affrontement devient une sorte de symbole, une sorte de déclaration de guerre, si on veut, entre les deux parties. Et quand les syndicats finiront par obtenir le droit à la négociation, on se dira que le premier pas avait été franchi en 1919. Absolument. Harold Bérubé, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, habitué de l'émission. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.